savais pas que c'était amusant. Il n'y a pas école aujourd'hui ? Voilà, vous avez tout, des BD, des films, des dessins animés. Hein ? Là. Super. Ouais, super. Bah oui, super, je peux pas faire autrement. Du coup, j'ai pas ici, hein. Okay. Et puis, alors, j'ai besoin de 2 heures, là. Donc, vous me laissez 2 heures tranquille. C'est possible ? 2 heures oui, tranquille ? Oui, oui, oui. Merci. Génial. Oh, c'est mal, il y a une console. Je te massacrer, tu vas voir. Sur la page, pas de contrôle, qui frappe. Femme de frappe, ton goal, je le kidnappe. Une, deux, c'est une contrat, j'en ai des mines de deux slots. C'est un petit point de droit, vitre trop fin. Je suis dans l'OM comme Chopin. Je boule le maillot jusqu'à la fin. Je dois te corner, je fais des zigzi. Je t'ai dansé la défense un peu comme Kiki. C'est le single comme Mendia Titi. T'es tout à ton talent gâté dans mon titi. Le ballon arrive en l'air. Je pars sur l'attaquant, je n'ai du bison. Appel contre appel. Vite comme Gitman, je suis comme Bale. Sur le terrain, je m'amuse. Le ballon sur la nuque. Doré de patine, c'est ma marque. Marque, c'est parti de rien. Comme un FIFA dans le pute. Comment le temps, je fais un petit peu. Dans le stream, je la dis tout. Je peux blogaler sur le ballon, je fais un bisou. Je peux blogaler sur le ballon, je fais un bisou. Ma team, c'est la MIGA. Des pas de mon pupilla. Je veux le carré 3, pas de fria. C'est moi la face, je le pute. C'est moi la face, je le pute. C'est moi la face, je le pute. C'est moi la face, je le pute. C'est moi la face. Comme Bob Marley, contrôle boitine, j'attire. Bossé comme Robin, rapide comme Ribéry. Je suis faire en avoir des démas. Et j'aimerais voir toi en France Benzema. Si t'es pas le top, tu vas créer pas ton cinéma. La la la la la la, j'ai du droit de bas. Extérieur sur le monde, elle Paul Pogba. La rue, la suite, c'est Tante. En mode sentinelle, comme Tante. Prochain but, c'est le M de Move. Ma team, c'est la MIGA. Des pas de monde, c'est PIA. Le gosse carré, pas de prière. Moi la face, je le pute. Moi la face, je le pute.